un petit Scratch Perry pour vous attendre. On a un petit incident technique, ça arrive. On reprend l'antenne d'ici une vingtaine de minutes. Scratch Perry, puis vous allez retrouver Hector, évidemment, en bonne et due forme. Voilà, ce sont les aléas du direct. Et on revient dans 20 minutes, promis, juré, avec plaisir. Et... Allez, Scratch Perry, un petit peu pour détendre l'atmosphère. À tout à l'heure. C'est 95 FM. You know, life is funny when you look at it. Everybody wants love, but everybody's afraid of love. You know, I'm a true believer of that. If you get anything out of life, you got to put up with the toils and strife. Now listen. Ooh, you're pushing my love a little bit too far. I don't think you know, I don't think you know how blessed you are. And your friend Annie Mae tell you all she see. Have you ever thought you was trying to get close to me? Yeah. Think it over. Think it over, girl. And if that's getting weak for you, I don't mind. That's the way I feel about you. Ooh, that's the way I feel about you. I know you've been hurt, and so has many others too. But that's a sacrifice that life put you through. Trust in me, my dear. Have no fear. You don't know, but God might have sent me here. Yeah. Think it over. Think it over. You better think it over. RQC Groove. Move your feet in the soul rhythm. RQC. Now here I stand all by myself. I'm thinking of you, baby. No one else. Oh, oh, baby. You mean everything to me. Can't no one else satisfy me. Down, baby, I know you're gonna stand by me. Oh, oh, oh, baby. You mean everything to me. Canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous, RQC. L'ironie du primate, humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Couillonnavant 2, le retour. Bonsoir. Tous les canards vont à la mare et ça patauge bien dans la mare. Enfin, faut dire, toute la flotte qui nous tombe sur la tronche, c'est pas normal que ça patauge quand même. Allez, au programme ce soir, on va vous parler de musique quand même. Hein. D'ailleurs, vous avez plein de musique pendant qu'on causait pas. C'est bien, des trucs groovy. On va vous parler notamment avec le jingle qu'il y a dans les oreilles. d'un album de la semaine. Ouais. La formule classique, hein, l'album de la semaine. Et ensuite au programme Fil rouge. Ouais, il y aura la review de Korenko. Ouais, Books on the radio. Sur la table, c'est pas possible autrement. Et puis il y aura une archive qui vous emmènera un petit peu rêver. Voilà, on n'en dit pas plus. Et 2-3 scories, on est bien ensemble jusque 22h. Désolé pour tout ce dérangement, mais voilà, ça fait partie des pataugeages parfois dans la mare. Allez, on démarre sans perdre de temps avec donc cet album de la semaine. Album de la semaine, on part sur un duo. Je vous en avais parlé déjà la semaine dernière. C'était Strict Sect. Ça, c'est pas gentil pour Il faut bien articuler. Parce qu'on va vite déraper sinon, je pense. C'est pas du tout gentil pour les animateurs quand même. C'est pas gentil. Mais il faut le dire à ce duo du Texas et d'Austin, exactement. Duo formé par Léo Ashline à la voix et le multi-instrumentaliste Sean Rixmus. Et même là, c'est pas sympa pour les animateurs. C'est pas sympa du tout. Pour les animateurs, ça marche pas non plus. Non, mais bon. Ces gens n'aiment pas la radio. Le groupe date de 2013. Mmh. Alors, ils ont sorti un seul album studio. Ouais. Voilà, qui s'appelait End Position en 2016. Et là, ils sortent que des petits hippies depuis leur création. Donc en 2014, deux en 2014 et un donc en 2017, qui s'appelle Rat Jacket. Et c'est sur celui-ci qu'on va démarrer directement. Le morceau qu'on va écouter, Strict Sect, on va écouter Total Immunity. Tu dois le dire encore 23 fois d'ici la fin de l'émission. Ah, il y a moyen. J'articulerai. C'est parti. Yeah. ça fait du bruit. Non, c'est bien. Street Sects avec Total Immunity, extrait de leur hippie, moi, j'aime Rat bien, Jacket. J'aime bien ce genre de disque parce que c'est extra pour rester calme. C'est vrai. Ou pas. Non, et ça démonte. Hein. Ça démonte bien, ouais. Ouais, ouais. Donc, duo d'Austin, je vous disais. Il faut savoir que le chanteur, en 2013, quand il a fondé le groupe, ça faisait 13 ans qu'il était drogué. Voilà. Donc, il a fait de la musique pour sortir en fait, de ce monde-là. Ouais. Et il a fait Street Sects avec son ami d'enfance. Voilà, et pour parler justement des aspects négatifs de la vie. Ou de la drogue, c'est selon. De la vie en général. Ouais, voilà. Bon. En 2014, ils vont sortir eux-mêmes un premier hippie qui s'appellera, mais j'aime bien les noms un peu bizarres, Gentrification, Serial Album Pentalogy. C'est pas fini. The Morning After the Night We Raped Death. Mm-hmm. Et Broken Windows. Oui. Sunken Sailings. Ah ouais. Voilà. Bon. C'est sympathique. Mm-hmm. Ils aiment bien. Pour sortir encore en 2014, également un EP qui s'appellera Want, tout simplement. Quoi ? Want. Ils l'ont fait gentil. Ils l'ont fait gentil. Ouais. Bon. C'est peut-être parce que les choses allaient mieux. Je ne sais pas. Et donc en 2016, cet album End Position, où ils signeront pour la première fois chez The Flenser. Ah ouais, j'ai déjà vu passer ça. Ouais, de temps en temps, ouais. Il y a des bons petits groupes qui passent par là. Allez, deuxième extrait pour ce Rat Jacket. On va écouter Early Release. We'll be right back. Allez, un petit coup de musique bruyante et agitée, c'est la revue de Korenko, comme chaque semaine, en partenariat avec ce webzine drivé par des bénévoles plein de bonne volonté qui ont envie de partager leur goût. Et je vous le dis tout de suite, dans les news, il y a une news qui va m'énerver. Ouais. Vraiment. Et enfin, vraiment. Voilà, ça sera une news coup de gueule. Vous savez que dans les canards, on n'est pas trop trop coup de gueule finalement. Mais là, tu verras, quand j'y arrive, à mon avis, tu vas dire, mais non. D'accord, allez. Bon, Thurston qui a sorti un nouveau clip, on est dans le hardcore pur jus. Real Thing, ça s'appelle, c'est plutôt bien torché, évidemment. Turnstile, ça devient un groupe vraiment, vraiment intéressant, voilà. Enfin, ça ne devient pas, ça l'est. Eux, ils y sont depuis un bon moment, toujours pour de la grande, grande qualité. Void Void qui prépare son retour. Il y a déjà eu sur, par exemple, des radios nationales, l'un ou l'autre extrait d'un album à venir. Et c'est du très bon. Ouais. Void Void, ça reste toujours une valeur sûre, ça, franchement. Rentrée aussi pour At The Gates, qui est occupé d'enregistrer le successeur de At War With Reality. Un opus franchement très passable, mais donc on verra ce que ça donne la suite. Saxon, t'as dit quelque chose ? Ouais. Légende, évidemment, qui vont sortir un nouvel album qui s'appelle Thunderbolt. Mm-hmm. On reste dans la dentelle. Ça sera leur 22e album. Ça va. Tu étais occupé de dire 58e, je t'ai vu. J'ai rien dit. J'ai lu sur tes lèvres. J'ai rien dit. 22e album pour donc les vétérans de Saxon. L'album sortira en février prochain. Et évidemment, comme à chaque fois maintenant, plein de formats différents. Cassette, CD, double CD, vinyle. Double vinyle. Vinyle blanc, vinyle noir, vinyle rouge, c'est ça. Voilà. D'un pas aller beaucoup plus loin. Allez, morceau inédit pour Ken Mode, Fractures in Adult. Ken Mode, c'est un groupe aussi dans la lignée de Converge, etc., qui est occupé de survivre finalement, parce que le groupe n'existe plus, avec des titres qui ont été enregistrés pendant des sessions du précédent album, mais est-ce qu'il y aura vraiment une suite ? On n'en sait pas grand-chose. Finalement, Man Ren, qui présente Danse avec les morts, c'est extrait de l'album hybride Mégalo Méloman. Ouais. Oui, dans la poésie, évidemment. Bon, un coucou au passage avec Korenko Radio, parce que c'est déjà la saison 5 qui s'est mise en place, et c'est PG qui fait sa petite émission, qui s'appelle, enfin, sa petite émission en temps, elle dure une heure, Korenko Radio. Et Korenko Radio, vous pouvez retrouver ça tous les lundis après Rives d'Enfer, sauf le premier lundi du mois. Parce que là, il y a moitié tremblement, là, c'est un peu plus moite. Et tremblant. Et tremblant, mais pas pour les mêmes raisons. Pas vraiment. Donc Korenko, demain, à 22h jusqu'à 23h, il y a Korenko, la saison 5. Voilà. Continue dans le métal. Et bim, quoi. Soirée métal pour lui. Évidemment, lundi, c'est métal. Il n'y a pas que lundi. Hein. Moonlight Prophecy qui balance un nouvel album qui s'appelle Vanquished. On écoute évidemment sur toutes les bonnes plateformes, comme d'habitude. On poursuit avec, ça c'est sympa, Of Men's and Mine, qui va sortir un nouvel album qui va s'appeler Warzone. Et l'album sortira le 19 janvier prochain. Corrosion of Conformity, ouais. Sorti d'un nouvel album qui va s'appeler No Cross, No Crown, pas de croix, pas de couronne. Ça sortira le 12 janvier prochain. Cast the First Stone, c'est le premier extrait, c'est très très très très bien foutu, très péchu, c'est du pur Corrosion of Conformity, et à mon avis ça sera une belle sortie ça l'an prochain, vraiment faudra suivre, et on annonce quand même 15 titres sur ce disque, hein. C'est plutôt pas mal quoi. Petite annonce qui est passée comme ça, c'est que Mike Patton va s'alcoquiner avec les Dillinger Escape Plan, voilà, en fin d'année, ils vont faire un show spécial à New York, et puis là... Nonce, évidemment, qui m'a un peu saoulé. Mm-hmm. Tu peux me rappeler la date aujourd'hui, comme ça ? Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Voilà la troisième édition du festival Download à Paris, qui aura lieu du 15 au 18 juin prochain. C'est dans quelques mois, ouais. D'ores et déjà, l'affiche est annoncée, quasi complète. Voilà, mm-hmm. Rien que ça. Donc affiche évidemment qui est sortie juste au nez à la barbe du Hellfest qui veut... Et donc c'est la petite guéguerre là entre les deux festivals. Forcément. Hellfest ouais. À Clisson et puis à Paris le Download. Franchement, je trouve ça très saoulant parce que, un, ces festivals vendent des places comme des petits pains. Deux, avant même qu'il y ait un nom qui est sorti. Et puis, des mois à l'avance, il y a les noms qui sont annoncés. Et puis alors, les noms, c'est des gens pas très connus. Il y aura Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Foo Fighters, Guns N' Roses, Converge, Ghost. Tu vois, des gens pas très connus. Non, je connais pas. Turbo Negro, bon allez, ça c'est bien. Ça c'est sympa. Dead Cross, forcément, qui va squatter tous les festivals du monde, évidemment. Ils sont pas obligés. Dead Cross, la rencontre entre Mike Patton et Retox, bien sûr, Powerwolf ou encore Offspring. Mais non. Voilà. Et donc, ça me... jamais. Ça, franchement, c'était mieux avant. Je l'ai dit, mais franchement. Ça, c'était mieux avant. Ouais. Allez, le petit opus à écouter, juste parce qu'il y a eu un anniversaire, il y en a eu plein cette semaine-ci, mais il y en a eu un il y a quelques jours. Donald G. Trump, qui occupe un poste qu'il ne doit pas spécialement occuper, mais par erreur. Mais il ne devrait pas exister tout court. Mais en tout cas, il y reste. Et l'excellent groupe anglais Burning Flag, qui a sorti un superbe opus qui s'appelle Isabelle, lui rend hommage le temps d'un gun low. Très bon retour pour Burning Flag. Si vous ne savez pas ce que c'est Burning Flag, vous allez entendre ça d'ici une poignée de secondes. Et on est dans le rayon punk hardcore, plutôt bien burné. Bim. Extrait de Isabelle, on va écouter Gun Low. Avec Donald qui nous fait un petit discours juste avant. Génial. But we have news that you've been waiting for a long time. The 8-year assault on your Second Amendment freedoms has come to a crashing end. You have a true friend and champion in the White House. No longer will federal agencies be coming after law-abiding gun owners. Let's go! she's hip. Heavy, heavy, heavy. way she walk, baby. Happy, happy, happy. Yeah, the way she talk, man. Happy, happy, happy. The way she does the fucking bomb. Happy, happy, happy. Oh, yeah. Happy, happy, happy. Give me some more now. Happy, happy, happy. I like it. What about you? Happy, happy, happy. My woman. Happy, happy, happy. Let me have it. Let me have it. Happy, happy, happy. Groovy. Ouais. Bon, allez, pour le coup, c'est moi qui m'y colle. Ouais, on devrait faire chacun son tour. Tiens, voilà. Cette sacro-sainte, eh, pourquoi pas, cette sacro-sainte séquence qui t'est dévolue depuis de nombreuses années maintenant. Ouais. Le petit groovy qui casse le morceau. Mais, allez, j'avoue, j'ai un peu imposé les choses. Non. On est en démocratie. On est en démocratie. Alors, ça va. Geraldo Pino. And the Heartbeats, c'était le bonhomme. Ouais. Gerald Lupino, c'est le chanteur de cette épopée. Batteur, bassiste, guitariste, clavier, enfin un petit peu tout quand même là-dedans. On s'en va du côté de Port-Harcourt. Mm-hmm. Port-Harcourt, c'est au Nigeria. D'accord. Voilà, et on est en 1974 avec un bonhomme, donc Geraldo Pino, qui va sortir un album qui s'appelle Let's Have a Party, ouais. Dont on écoutait Evie, Evie, Evie. Ça tombe bien. Et je trouvais que juste après, une séquence consacrée au métal, bon, voilà. Bah écoute, la suite dans les idées. On essaye, on essaye. Allez, à ce qui paraît. Oui. Les canards ont passé un sacré week-end. Ah bah oui, avec plein de trucs dans les oreilles. C'est ça. On va commencer par vendredi. Oui. Et ce fameux festival qui devient quand même un gros machin. Que le monde entier nous envie. C'est ça, tout à fait. À Courtrai, ce fameux Sonic City Festival. Ouais. 2017. Cette année curated, comme ils disent, par Thurston Moore. Quand même. Quand même. Ah oui. Alors les places sont parties à une vitesse folle. Ben ouais. Et comme ils avaient finalement trop de demandes, mm-hmm. Et ben ils ont décidé de agrandir leur salle. Voilà. C'est-à-dire que ce week-end, ça ne se passait pas à deux crunes, mais ça se passait au départ. Ça s'appelle vraiment le départ. Ouais. Sauf pour nous. Oui. Et pour la fameuse pré-partie, ils ont appelé ça vendredi soir. À deux crunes. À deux crunes. Ah, quand même. Ouais. Ça nous aurait manqué, cette petite salle. Ça nous aurait manqué, qui est quand même une des plus belles salles de la région, si pas, à titre personnel, la plus belle. Ouais. C'est la plus... ma préférée. La plus cocooning, on va dire. Ouais, comme ça. Ouais. On s'en l'aise. Tout à fait. On s'en fout. Ouais. Et nous, les gens sont pas embêtants. Non. Du tout, même. Non. Et donc, fameuse pré-partie, il y avait normalement un groupe qui a annulé, voilà, pour raison personnelle, mm-hmm. qui était Love Theme, je pense. Je ne connaissais pas. Non, ouais. Non. Et à 19h30, on avait un certain Brain Case. Un Brain Case. Alors. Affaire de cerveau. Ça a duré, enfin, je pense, on a tenu combien? 10 minutes? Oh, 7, hein. Avant de se dire, bon d'accord. Alors, à mon avis, il devait être un peu autiste sur les bords, on sait pas. Enfin... Ah non, pas que sur les bords. Tout seul devant sa machine. Ouais. Là, il nous faisait des petits sons à droite à gauche et je pense qu'il savait pas trop ce qu'il faisait. Enfin, ouais, c'était l'impression qu'il donnait en tout cas. Y compris couper sa séquence en pleine séquence. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà. Donc il n'y a plus rien d'autre à dire. Voilà, oh non, si vous nous avez loupé, c'était pas très grave. Non. Par contre, ensuite, on avait le fameux groupe canadien Metz. Ah. Où voilà, c'était pour réveiller la salle. On peut dire ça comme ça, c'est ça. Donc ça a commencé sur un gros coup de batterie. Et tout le monde qui s'est dit, oula. Ça fait un peu sursauter tout le public. Et c'était pense. Fait. Et c'était fait, c'était fini d'ailleurs. Voilà. C'est bon, voilà. Et mettre sur scène, c'est... C'est assez énorme. C'est hein. Énergique. me dire ça comme ça. Alors, c'est marrant parce que quand on parcourt un petit peu des infos autour de Metz, etc., il y a Nirvana qui revient. J'ai lu ça. C'est parce qu'ils sont signés chez Sub Pop. À l'un ou l'autre endroit, ouais, non, c'est ça. Et donc, il y a ce côté... ouais, grand ado qui s'éclate, ça oui, effectivement. Oui, clairement. Ouais, ouais. Bon, c'est un peu plus couillu quand même que Nirvana. Ah, beaucoup plus même. Voilà. Et même recherché, on va dire. Parce qu'il y a, quand même des couches, des morceaux très intéressants, hein, avec des strates et tout ça. Et puis, il y a un bassiste qui est fantastique. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Ce sera en opposition au bassiste de fin de soirée. Carrément. Bah, disons qu'ils ont de l'énergie à revendre et sur scène, ça se voit. Ouais. Et bah, pour le public, ça se ressent énormément. Ouais, c'est super communicatif, hein. Allez. Franchement. Donc, un petit extrait pour Metz. Bon. C'est extrait de leur dernier album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle, l'album s'appelle Strange Peace. Mm-hmm. Et on va écouter un morceau qu'ils ont joué. Vendredi soir, c'est Mr. Plague. Voilà, voilà. Metz avec Mr. Plague, extrait de leur dernier album Strange Peace. Et donc ça, c'était le premier groupe intéressant à voir vendredi. Oui, oui, oui. S'en suivait un duo qui est devenu trio sur scène. Oui. Moon Duo. Oui. Que vous connaissez très bien ici. Ah ben, c'est des habitués de la maison. C'est des habitués de la maison. Ah, quand même. Alors, il y a eu quelques petits problèmes techniques. Bah ouais, il n'y a pas que nous. Hein. Ouais, ça arrive. Eux aussi peuvent démarrer avec du retard. C'est ça. Donc, ils ont commencé bien en retard quand même, je pense. Ouais, bah, pareil que nous. Avec 20 minutes de retard. Voilà. Et quelques problèmes de micro pour monsieur. Ouais. Mais bon. Ça va, il est resté. Ça l'a pas trop. Ouais, il est Peace and Love, à mon avis. Donc, je pense qu'il doit être Peace and Love, ouais. Ouais. Puis ouais. Pour la petite anecdote, ce qui était assez marrant, c'est que. Voilà, on était dehors, on attendait patiemment que les concerts commencent. Ouais. Et puis... Boum. Qui vient? Bah, Moon Duo passe par l'entrée des gens qui... du festival. C'est où l'entrée des artistes? Bah, je sais pas, il y a des gens là, au bien niveau. Voilà. En même temps, pour la petite histoire, pour revenir deux secondes sur Dekron, il y a des travaux, hein, si jamais vous devez y aller. Enfin, si vous y étiez, par exemple, pour Paradise Lost cette semaine... C'est la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine. Prochain, ouais. Si vous y allez, ben, ouais, effectivement, il y a des travaux, donc on se marche un peu n'importe comment. Et c'est... Par exemple, il y en a qui font tout le tour du bâtiment, alors que l'entrée est juste à côté du parking. Alors, tout le monde fait tout le tour du bâtiment, on en fait partie. Hein. Préciser. Bah, il y en a. Qu'on passe sur des planches et tout, enfin bref. Ouais. C'était assez folklorique, allez. Absolument. Voilà, donc Moon Duo, bah, ça reste Moon Duo, c'est 6 chansons. Parce que chaque morceau fait 10 minutes, donc forcément, sur scène, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ouais, c'était sympa, quoi. C'était sympa, voilà, c'est le mot. C'était sympa. C'est pas le groupe qui a tout retourné, mais c'était sympa. Ah non, pas du tout, mais bon, on s'y attendait un petit peu. Allez, un petit extrait pour Moon Duo, c'est extrait de leur dernier album Occult Architecture Volume 1. On va écouter le morceau Cold Fear. We'll be right back. duo avec Cold Fear, extrait de leur dernier album en date. Mm-hmm. Voilà. Occult Architecture Volume 1. Donc ça, c'était le deuxième groupe. Je compte pas le premier. Enfin, le troisième de la soirée. Ouais, préciser. L'affaire de cerveau. C'est ça, ouais. Enfin, bref. Le dernier groupe qui était le groupe à ne pas rater. Bah, ouais, enfin, tu disais ça. On dit. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Deux soft. Non, en fait, c'est ça, plein de gens l'ont dit quand c'est même. Ça. Deux Soft Moon. Oui. Voilà, qui devait venir il y a 2 ans. Mm-hmm. Souvenez-vous. Et il y a 2 ans, bah, voilà, c'était. Le terrorisme à Paris et il n'avait pas su décoller de Londres pour venir chez nous. Voilà. Malheureusement. Et il est venu vendredi soir. Monsieur Luis Vázquez de ouais. Soft Moon. Une bon. Belle claque, même. Et un petit peu de Cure sur les bords. Ah, bah plus que sur les bords. Ouais, je pense qu'il y a un peu fan quand même. Quand même. Non, c'est. Si Cure n'est pas une inspiration pour ce groupe, je ne comprends pas. Pour ce monsieur, à la base. Ouais, et surtout à la base d'ailleurs. Voilà, c'est pas de que la c'est base, lui, mais on parle surtout à la voilà. base. Non, c'est carrément. Effectivement, il y avait du péribamante. Alors, du péribamante juste dans les lignes de basse, absolument pas dans l'attitude. Ton ami le bassiste. Parce que péribamante a quand même un jeu un peu. Déjà, il joue près du genou. Bon, ça c'est. Voilà. Ouais. Chacun son truc. Mais surtout, il y a un peu chaloupé quand même. Que là, non. Ce type m'a insupporté tout le concert. Mais sinon, c'était très bien, Soft Moon. Le bassisme à supporter, c'était quelque chose d'assez... Dis donc, on aurait pu dire qu'il y avait un balai. Parce que rigide, c'est pas suffisant. J'ai pas encore trouvé le mot. C'est une statue. Ouais, c'est ça. Une statuesque. Statuesque, exactement. Voilà. Mais ce monsieur s'appelle Matteo, donc si tu veux... C'est pas dommage, mais... Enfin, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais non, ce type m'a... vraiment insupporté. Mais sinon, Soft Moon, oui. Bim, quoi. Parce que Vázquez à côté, waouh. Ah, quelle énergie. Pareil, ah ouais, là, ça tient la baraque quand même. Multi-instrumentaliste lui-même également. Ouais, tout donc, à fait. Voilà, percussion, clavier, guitare. Ouais, leur chant. La voix, puis enfin voilà, l'énergie, tout, quoi. Ouais. Et la batterie. C'était vachement bien. Batterie, c'était carré, ça tenait la boutique, quoi. C'est pas un batteur non plus. Voilà, ça, ouais, maintenant ils font de la cold wave donc du côté non non c'est ça ouais, non non ça tenait bien la boutique mais c'est incroyable le décalage entre la musique proposée et le visuel du bassiste. On va préciser, c'est le bassiste. Le bassiste n'allait pas bon. Voilà, fallait pas rester bloqué sur le bassiste, c'était de notre côté, c'est peut-être pour dommage. Ça dommage. Pour ça, moi voilà. Je suis assez bloqué là-dessus. Allez, bah, un petit Soft Moon pour se mettre dans les oreilles, c'est le dernier morceau en date. Oui. Qui a un peu tout éclaté aussi, en plein milieu du set comme ça. Carrément. L'album sortira en février 2018, l'album s'appelle Criminal. Ouais. Et on va écouter le morceau qui est sorti de cet album, c'est Burn. Où il n'y a pas de basse. Et ça, c'est bien pour vous. Pas pour toi. We'll be right back. soyez pas intimidé par la caméra. Hein. Restez naturel, parlez comme vous parlez d'habitude. Hein. Oh, mais ça me dérange pas parce que j'ai déjà été filmée sur la place de Mont. C'était la musique militaire, ça m'a bien plu. Oui, c'est très bien. Nous avons déjà quelqu'un qui est habitué à l'image. C'est bien, ça. Dites-moi, je peux vous poser la première question, alors ? Bien sûr. Oui ? Dites-moi, madame, est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous, quelqu'un qui vous rend souvent visite ou quelque chose comme ça ? Oh, ben j'ai des connaissances et je suis bien surtout avec tout le monde et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein ? Tu vois, ici, c'est un peu particulier. Hein. Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de Cédocaire. Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de Cédocaire, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, j'ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti. Mais pas sans parti pris. One line. One line. A paper. A sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio, on va partir en Italie avec un écrivain qui s'appelle Sandrone Daggeri et son bouquin Tu tueras le père. Boum, c'est sympathique. Après hein. Mamie Tromblon. Ce qui est bien, c'est que ça n'a rien à voir avec du tout. Son propre père. Voilà, je le précise. Non, je doute que c'est un peu plus spirituel. Même pas. Ouh, attends, j'explique. D'accord. Nous sommes à Rome, où un homme affolé arrête une voiture sur une route de campagne et demande qu'on appelle la police. Ouais. Parce que son fils a disparu. Disparition inquiétante. Oui. Sa femme a disparu également. Ah, petit. Donc, première pensée des enquêteurs, ouais. En fait, on apprend quand même que la femme était battue par son mari. Donc on se dit, bah, elle est partie avec son fils, elle s'est barrée. Ouais, c'est ça. Elle fuit. Elle fuit. Mais pas du tout. On retrouvera les chaussures du garçon bien accrochées sur une branche, avec en contrebas le corps de sa mère, décapité. Ah ouais, ambiance. Ambiance, ça commence bien. Mais sans trace de l'enfant. D'accord. Alors, première chose, la police, forcément, c'est le père qui a fait ça. Donc, il n'y avoue pas, rien du tout, mais c'est pas grave. Il reste suspect. À côté de ça, le commissaire va aller chercher un de ses meilleurs éléments, qui s'appelle Colomba, qui est une enquêtrice qui est en congé, en fait. Maladie, entre guillemets. Et il va lui demander en fait d'enquêter sur cette affaire. D'accord. Parce qu'il y a un... Pourquoi ça on le sait pas très bien au début. Parce que c'est un peu bizarre d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur et de la ramener alors que elle se remet en fait d'un traumatisme. Bah ouais, bah tu m'étonnes, et trouver une paire de godasses et un corps décapité, je sais pas si c'est bien pour le traumatisme, c'est pas sûr. C'était un autre traumatisme un peu plus... Voilà, donc elle avait passé quelques mois à l'hôpital, etc. Et là, elle est même pas sous traitement, elle va même pas voir un psy, mais elle a des problèmes un peu psychologiques. Ouais, qu'elle cache. Qu'elle cache, forcément. Et il va lui demander en fait de prendre contact avec Dante, qui est un gars qui est psychologiquement pas très bien non plus, qui reste enfermé chez lui la plupart du temps, qui a un bordel organisé phénoménal dans son appartement, mais surtout qui a fait en fait de son balcon et de une grosse véranda, si tu veux. Ouais. Voilà. Parce que Dante, quand il était enfant, il a été enlevé à l'âge de 6 ans, enfermé dans un silo pendant 11 ans, ouf, avant de pouvoir s'échapper. D'où le côté un peu psychotique. C'est forcément. Voilà, il y a un petit peu claustro sur les bords, sans blague. Et donc pour lui, c'est très difficile de sortir de chez lui. Enfin, en grand air, ça va. Mais marcher dans une cage d'escalier mal éclairée, se retrouver dans des endroits un peu plus... qu'il ne connaît pas, en tout cas. C'est super compliqué. Et en fait, elle va lui présenter l'affaire sur laquelle il travaille. Ouais. Et forcément, ça va tomber sur son geôlier à lui, ah ben, qui est revenu et qui devait appeler le père. Oh. D'où le nom du bouquin, tu tueras le père. Et quand tu dis tout ça, tu... Ah non, non, mais t'as vu la taille du bouquin. Tu dis des... Ah ouais, non, ça va. Non, je ne raconte pas grand-chose. Juste que forcément, bah, la police ne va pas le croire parce que son geôlier, soi-disant, s'est suicidé. Ouais, c'est ça. Et il a quel âge alors, Dante ? Bah, c'était 10 ans plus tard, donc il a 27 ans, ouais, c'est okay. Ça, 27-28 ouais. ans. Et bah, ils vont faire une drôle d'équipe quand même, forcément, on peut t'en douter. Les deux psychotiques de la vie. Enfin, lui sûr, elle, on sait pas trop, quoi. Quand même. Quand même. Et bah, au début, elle a du mal à le croire aussi. Parce que, donc, je te dis, à la base, il a été enfermé dans un silo chez un fermier. Et, le fermier, soi-disant, aurait mis le feu. Wow. Au silo et à sa ferme, et il se serait suicidé. D'accord. Et donc, on l'a, voilà, on s'est dit, bah, c'était lui. Et, mais Dante a toujours été convaincu que c'était pas lui, son geôlier. Et donc, voilà, le cauchemar recommence pour lui. Et donc, ça va partir un petit peu sur des pistes à droite, à gauche. Ouais. Je ne vous dirai pas tout. Ben non. C'est puissant comme première image, l'histoire des pompes équipant des corps décapités. Là. C'est sympathique. Hein. Ah, ouais. Ça a son importance, forcément, vous l'avez compris. Ouais, j'imagine. Ça, voilà. Et puis, bah, oui, l'équipe duo très... La névrosée et le psychotique. C'est ça. Mais qui font un très, très bon duo d'enquêteurs, finalement. Mais... Bon. Et voilà. Et pourquoi on va chercher cette femme comme ça, ça, il faut lire, à mon avis, pour comprendre. Il faut lire pourquoi on va la chercher, elle. Ouais. Même si on ne comprend pas très bien, finalement, pourquoi on va la chercher. D'accord. Oui et non. Parce qu'elle ne fait plus vraiment partie de la police, donc. Ah ouais. Voilà. Ouh. Pourquoi on va le chercher, lui, bah, on a compris pourquoi. Ouais. Parce que bah, c'est lui qui va découvrir, en fait, le sifflet qu'il avait quand il était enfant, qui était enfermé. C'est la seule chose avec laquelle il n'est pas ressorti. Il va la retrouver accrochée à une branche tout près du corps de la femme qu'on a retrouvée. Donc voilà. Bien, bien inquiétant tout ça. Sandrone Giaggeri, ouais. Tu auras le père, c'est en sort en petit format, évidemment. C'est en pocket, ouais. Ouais, en pocket. Ouais, en 2016. C'était pas sorti chez nous vraiment... En brochet, comme on appelle ça, mais plutôt en poche. Ouais. Donc voilà. Donc il y a toujours un petit avant. Voilà, avant. Le 1, c'est avant. Donc ça raconte l'histoire de Dante dans le silo. D'accord. Et l'actuel. Donc voilà, on sait à peu près ce qui s'est passé. Faut savoir qu'il a subi des mutilations aussi. Donc sa main, par exemple, est plus vraiment une main. Puisque donc il devait l'appeler père, le gars qui le gardait, et il devait tout faire comme lui disait de faire. Et s'il faisait un pas de côté, par contre, il devait se mutiler la main. Waouh. Ça c'était ou alors il avait pas à manger, ou alors il avait pas à boire. Enfin, voilà. Ah ouais, la fin est assez. Non, là, tu te dis, alors c'est une brique, mais ça a l'air glauque, hein, quand même. Ouais, c'est super glauque. Alors au début, oui, donc tu te poses la question quand même si c'est pas finalement un pédophile qui l'a... Ouais. Ce qui me paraît assez ça logique. Ça pourrait, mais je vois pas le lien avec la mère, alors, du coup. Mais pas du tout. C'est ça. Mais non, parce qu'il a jamais... C'est pas pour ça que j'ai pas posé la question. C'est une des premières questions quand même au début, donc... Ouais. Non. Et voilà, pour ceux qui veulent, il y a la suite. Qui s'appelle... tu tueras l'ange, voilà. Après le père, on tue l'ange. Oui. La suite, la suite quand même avec les deux personnages principaux. La suite dans les idées. Sandrone da Jerry tutuera le père, ça sort chez Pocket et ses conseils consommateurs. Ouais, clairement. Plus, plus, plus. Ouais, ouais, c'est best-seller en Italie à sa sortie en 2014, je pense. Ouais. Et devenu un bon bouquin à lire. Si vous n'avez pas peur des 600 pages qui vous attendent, ça. Voilà. Allez, un petit rafraîchissement après tout ça. Le groupe s'appelle Pamplemousse. Ça devait se faire. Oui. Ça devait se faire. Groupe nouvellement signé chez l'excellente maison à temps rêvé du roi avec un album éponyme dont on va écouter cet excellent The End Pamplemousse, la noise rock encore de beaux jours devant elle. Je vous disais que c'était un bon rafraîchissement. Pamplemousse. Sympa. C'est, hein, c'est sympa, sympa, c'est sympa. Ils se décrivent, tiens, pour en finir avec eux maintenant, entre, dans vos références musicales, Hansen et George Michael. Un grand écart. Oui. Allez, fil rouge. Le fil rouge. Bah, voilà. Toujours avec Leonard Cohen, nous sommes en 1979, après ce fameux petit album avec Phil Spector qui n'a servi strictement à rien. Ne le rappelle pas, ne le rappelle pas. Les gens pourraient avoir... envie d'écouter, donc. Mais non, pas l'envie, mais l'erreur de tomber dessus. C'est ça, je ne vous rappellerai pas. Donc le... titre de cet album. 1979, Leonard Cohen va commencer à coproduire ses albums et va coproduire normalement avec Henry Levy, qui est l'ingénieur du son de Joni Mitchell. On s'en va dans le country. On s'en va dans ce qu'il fait à la base. Ouais, ouais, c'est ça. Sauf qu'il va rajouter des nouveaux sons comme un violon... comment dire ça, un violon, tzigane. Ouais, c'est ça, tzigane et de la mandoline, sur cet album qui s'appelle Recent Songs. Disparu aussi celui-là. Ouais, disparu complètement. Je l'ai écouté un petit peu comme ça et pareil. Enfin, si vous l'avez pas, c'est pas grave, ouais. Franchement. Puis il va partir en tournée, notamment avec Jennifer Warnes et Sharon Robinson. Ah, les choses sérieuses vont arriver après. C'est ça. Avant de sortir un album aussi de cette tournée qui s'appelle Field Commander Cohen Tour of 1979. Mm-hmm. J'ai pas envie de le dire en anglais, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, Recent Song. Oui, oubliez-le, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Le morceau s'appelle Our Lady of Solitude. Et c'est là qu'on voit parfois l'inspiration qui s'en va. Ça arrive. All summer long, she touched me. She gathered in my soul. From many a thorn, from many a thicket, her fingers like a weaver's, quick and cool. And the light came from her body, and the night went through her grace. All summer long she touched me, and I knew her. Was blue and silver, and her words were few and small. She is the vessel of the whole wide world, mistress. Dear lady, queen of solitude, I thank you with my heart for keeping me so close to thee. While so many, oh, so many stood apart, and the light came from her body, and the night went through her grace. Summer long, she touched me. I knew her. I knew her face to face. RQC sur le net. C'est le www.rqc.be. www.rqc.be. Ouais, et puis si vous tapez tous les canards sur Facebook, il y a notre page aussi. Et si vous appelez RQC95 sur Facebook, et allez, voilà, comme ça, il y aura pas de jaloux. Il est où? Il est où? Il est là? Attends, tout le truc. Il est là. Retrouve-nous sur Facebook, www.facebook.com/RQC95. Je voudrais pas que la direction m'en veuille en disant, ouais, il fait de la pub pour Facebook pour son émission et pas pour la station. Comme ça, c'est fait. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau, la parité. Bon. Allez, on revient sur le dernier concert du week-end. Des Canards. Des Canards, ouais. C'était hier soir. Avec un bon film. C'est le cas de le dire, ouais. Alors, au lieu d'aller au Cynic City, où tout le monde s'est jeté. Ah bah oui, il y avait du genre. C'est ça. Et ben nous, on a décidé de se rendre au Grand Mix à Tourcoing et d'aller voir Fink. Oui. Alors Fink, qui est un folkeux à la base, on va dire ça comme ça, et qui passe un peu par tous les états de la musique. Et hier soir, bah, c'était assez impressionnant finalement. Bah, probablement. En tout cas, moi, c'est quasi pour le moment concert de l'année. Oula. Carrément. Ouais. Vraiment, je dis c'est concert de l'année. Après, voilà, on fait pas de classement dans les canards avec c'est quoi. Mais entre les concerts vus cette année, certes, on n'en voit pas 3000, hein, mais parmi les concerts vus cette année, c'est un des plus marquants. Et donc, je le dis assez. Parce que c'est qu'un avis, finalement, ça intéresse que peu de monde, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est concert de l'année. D'accord. Je donnais des explications. Non. Ah bah voilà. Je ne donne pas d'explications. Je ne donne pas d'explications. Tu peux si tu veux. Alors, on est rentré. Ça a commencé à 8h30, plus ou moins, 20h30, avec un petit film. Oui. Assez bien foutu, finalement. C'était Making a Record. Ouais. Alors, c'est premières images, c'est comment on fabriquait un vinyle. Ça, c'était génial. C'était énorme. Et après, on passe un peu par les états de la musique. Ouais. Et je pense surtout par lui, ce qu'il a écouté, ce qu'il a marqué. C'est ça. Dans la musique. Donc, ça vient de John Lennon. John Lennon, les Beatles, Talking Heads, le blues, blues Woody Guthrie et je pense avoir reconnu Fats même, l'ami Fats Domino dans une des séquences. Chuck Berry, voilà. Ouais. Bon. Alors Radiohead, Nirvana. Divo. Ouais, Divo, ça a été assez marrant aussi. Ouais, et donc, c'était un petit film qui était bien sympa. Ouais. Ça passait dans tous les sens, et c'est vrai que c'était bien senti parce qu'à travers ces groupes aussi divers que Chuck Berry, les Beatles et Divo, et Talking Heads par exemple, ben, pas forcément qu'on fait des liens entre l'un et l'autre, par contre, ces liens-là, on les a retrouvés dans Fink. C'est ça. Et ça, c'était intéressant, franchement. Influencé donc et comme il a dit au début du concert, il a basé en fait toute son étude sur la musique. Et pendant 9 ans de sa vie, il a détesté la musique. C'est quand même phénoménal. Et quand on voit ce qui est sorti après pendant plus d'une heure et demie, c'est ça. On a du mal à croire que ce type a un jour détesté la musique. Je pense que maintenant il adore la musique. Alors il y a une grande complicité entre lui et son guitariste. Ouais. Qu'il suit depuis le début en fait, donc ce qui est somme toute logique. Mais à côté de ça, on peut pas oublier le batteur qui, ouais, qui aimait bien taper sur ses... Ouais, non, c'est ça. Enfin, batteur-guitariste aussi, justement. Ouais, tout à fait. Bassiste, qui est, en tout cas, à mon sens, le patron sur scène. C'est lui qui donne un petit peu... Le la. Le la un peu pour tout le monde. Bon, il y avait deux jeunes qui les accompagnaient, parce qu'il faut pouvoir avoir des bras pour jouer tous les instruments. C'est ça. Ça donnait un peu cette impression-là. Ça, c'était un peu dommage. Ouais, mais bon, après... Les deux plus jeunes étaient peut-être moins... Enfin, plus jeunes en âge, j'entends bien. Mais c'est des gens d'expérience qui jouent très bien, mais étaient probablement, à mon sens, moins impliqués dans ce qui se passait que le fameux trio guitare, basse, batterie, hein, bien sûr, avec Finn Greenwald qui prend vraiment un vrai plaisir à chanter. Ouais. Qui prend plaisir avec le public. Et alors, ça tombe bien parce que nous, on a plutôt pris plaisir avec lui aussi. Clairement. Tant qu'à faire. Et donc, nous, c'était franchement un bon moment. Et pour moi, par rapport à un peu ces influences et cette cohérence entre le blues, parce qu'il y a du blues un petit peu. Ouais. Hein. Entre le blues, la pop, le post-punk, voilà, des petits passages un peu funk, un peu froid, façon d'Ivo justement. Ça c'était très très bien joué, très bien senti. Bah, tout ça c'est un chouette chouette mélange et probablement en tout cas en qualité un des concerts de l'année. En tout cas, dans une salle comme ça, dans l'intimité. Ouais. Parce que c'était vraiment ça. C'était un concert dans l'intimité. Pour connaisseurs. Hein. Ah, bah, clairement. Mais on était bien. On était très bien. Allez, un petit extrait donc de Fink. C'était extrait d'un album qui s'appelle Hard Believer, qui était sorti en 2015. Et c'est le morceau que tout le monde voulait entendre. Et il est revenu sur scène pour le faire. Ouais. Voilà, c'était le fameux Bis. Je ne sais même pas si on appelle ça encore un bis actuellement. Le morceau s'appelle Pilgrim Fink. Come along the way. parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-selle. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu. Into another tragedy, a man who can't make up his mind. Welcome to an unhappy home. Another someone else to blame. How selfish. Landing me in such a maze. But I can't help you now. No one can help you now. This is the saddest thing I have ever heard. Such a stupid thing, such a stupid thing, such a stupid thing. Meanwhile, back on Earth, no enemies arrive. So we practice upon ourselves, searching for the words that hurt. They have been hurt before 100,000 times or more. But I can't help you now. No one can help you now. All this is the saddest thing I have ever heard. How did you manage to do such a stupid thing? Such a stupid thing. Such a stupid thing. But I can't help you now. Saddest thing I have ever heard. How did you manage to do such a stupid thing? Such a stupid thing. Oh, this is the saddest thing I have ever heard. You managed to do such a stupid thing, such a stupid thing, such a stupid thing. Ouais, ça c'est rare qu'on fait ça. Hein. Ouais. Mais parfois, c'est parce qu'il y a un monument qui arrive juste derrière. C'est pour ça. L'archive du dimanche qui va clôturer cette émission, bah ouais, qui était un petit peu chahutée en début. Hein. Ça arrive. Voilà, des histoires techniques et tout ça. Bref. Et on se plonge dans l'univers d'un bonhomme dont plus grand monde connaît l'existence. Paul Quinn, non pas un joueur de foot du Glasgow, pas du tout. Paul Quinn, c'est un musicien écossais qui a vécu toute sa vie à Dundee et qui était pote d'enfance avec un certain Edwin Collins. Mm-hmm. A girl like ouais, you before. Ouais. Beep, beep. Et puis Rip It Up, évidemment, quand Edwin Collins était chez Orange Juice, d'ailleurs, les chœurs chez Rip It Up. Mm-hmm. C'est Paul Quinn qui les assure. Voilà. Voilà. C'est deux potes qui vont faire de la musique ensemble et qui vont créer notamment un groupe culte qui va durer quelques années, dans les années 80, 2-3 ans. Ça va s'appeler Bourgie Bourgie. Ça pourrait faire office aussi d'une rétrospective ou d'une archive c'est du dimanche. C'est un groupe culte. Oui, si, si, si. Bon, groupe culte pour les vieux. Et puis Jazz Eaters, un peu plus connu. Ouais, ça oui. Voilà, et notamment ben, Vince Clarke de Erasure. Mm-hmm. Il va aussi traîner et avec Vince Clarke et avec Erasure. Voilà, pour la petite histoire. On se retrouve ici pour un deuxième opus en 1994 pour le Paul Quinn and the Independent Group. L'album fantastique s'appelle Why I Ever Be Inside of You. Très prometteur, évidemment. On peut imaginer. Hein. Et puis, ben, oui, le groupe va connaître une courte carrière, finalement. Il y aura un premier album qui va s'appeler The Phantoms and the Archetypes, qui sortira en 92. Et le fameux Well, I Have Been Inside of You, qui sortira en 1994 sur le label écossais, toujours Postcard. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien sa région. On va dire ça comme ça. C'est bien. On se trouve dans... Bah vous avez un peu senti l'ambiance comme ça. Hein. On se trouve dans un monde assez vocalisant. Oui. Beaucoup de recherches, beaucoup d'harmonie, guitare, basse, batterie. Pourtant, il n'y a pas grands effets là-dessus, mais seulement c'est extrêmement bien joué, extrêmement précis. Et puis ça crée un univers comme ça, extrêmement romantique, mais au sens plus noble du terme. Mm-hmm. C'est pas chichite du tout. C'est pas plein d'emphase, c'est juste beau. Voilà pourquoi on parle de Paul Quinn and the Independent Group. Et puis parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis, tiens, la voix, ça me fait penser à Paul c'est Quinn. Ça. Ben voilà pourquoi vous avez enfin la voix de Paul Quinn. Et force est de constater qu'il y a quand même des chanteurs actuels qui ont une voix proche de celle de Paul Quinn. Un peu, c'est grave, un peu cristallin, entre grave et cristal, comme ça. Ouais. Ça plaît aux femmes normalement. Un peu crooner sur les bords. Et crooner, effectivement. Bourgie Bourgie, ben, on va retenir évidemment le Breaking Point après ski. C'était un 45 tours qui était sorti en 1984. Et Breaking Point, c'est un morceau, voilà, c'est probablement leur morceau le plus connu. One Day ben, avec Vince Clarke et un featuring avec Erasure. Et puis aussi une participation avec Nectarine No. 9. Rayon un peu plus indus. Ça aussi, c'était dans les années, années 90, voilà, milieu des années 90, 95 ou 96, me semble-t-il. Alors, le fameux The Independent Group, bah ouais, tiens, c'est qui tous ces gens-là? Parce que monsieur savait s'entourer, évidemment. Hein. Faut pas croire. On retrouve notamment James Kirk de Orange Juice, ça tombe bien, à la guitare. Ouais. Bah ouais, on s'en refait pas, hein. Blair Cowan pour les synthés, et c'est le synthé de Lloyd Cole and the Commotions. Oui. Alors, années 80 quand tu nous tiens. C'est ça. Tom Shove, le batteur, bah, joue dans The Silencers. Voilà. Campbell Sowen, le bassiste, a fait partie d'Aztec Camera. Bref, que du beau monde, évidemment. C'est un peu des légendes de groupes, hein, des groupes cultes. Mm-hmm. Et des gens de groupes cultes qui se réunissent pour faire un groupe super culte. Groupe, un super groupe, ouais. Un super groupe culte, voilà, avec un album culte. Well, I Have Been Inside of You, on va se quitter là-dessus, parce que, bah voilà, on arrive déjà au final, hein, donc quoi que vous fassiez, faites bien sortez couverts et non pas la semaine prochaine. Non. On se retrouve en décembre maintenant. Oui. Voilà, parce qu'il y aura, il y aura des pauses entre deux, non ? On se retrouve le 26. Le 26, bon. Oui. Voilà. Un autre concert de prévu dimanche prochain, on vous en parlera dans 2 semaines. Voilà, donc on se retrouve dans 2 semaines. Déguster ce moment un peu intemporel. Will I ever be inside of you, Paul Quinn and the Independent Group. 9 minutes 09 pour vous. Bye bye. Bonsoir. Yeah. if I pray every night, every night. Canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC.